السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Vous avez pu le voir que j'ai fait une annonce sur le canal Telegram suite à quelques petits incidents qui se sont déroulés hier durant le Ders. Le Ders des Arba'in Nawawiyyah avec ces fauteurs de troubles. Donc j'insiste bien sur le fait que si jamais ces gens-là reviennent et vous importunent, bloquez-les. D'accord ? Et signalez-moi leur nom, comme ils sont écrits sur leur profil. Et là, ça vous montre bien la bassesse de ces gens-là. Et alhamdoulilah, ce sont encore des gros indices qui vous montrent le fossé sur lequel ils sont. Et là, il s'agit de la tarbiya qu'ils reçoivent auprès de ces gens-là. Regardez l'éducation qu'ils ont, le monde de comportement qu'ils ont. Est-ce que nous, qui mettons en garde contre des gens du fond, on va à leur doulous et on va faire le désordre? Est-ce que les tabirs, ils font des doulous, est-ce qu'ils y vont? Ils n'y vont pas. Les Ikhwan, ils font des doulous, est-ce qu'ils y assistent pour faire le faux-ordre? Ils ne le font pas. Lorsque les soufis font des doulous, ils ne le font pas. Mais nous, quand on vient, ils viennent. Vous voyez? Un peu le comportement. Est-ce que nous, on fait ça? Nous, on met en garde, après, on n'a pas besoin de. Faites leur vie, ou faire des doulous, faites des doulous. On a mis la mise en garde. Celui qui veut l'apprendre, il l'apprend. Celui qui veut pas l'apprendre, il n'apprend pas. Pas la peine de faire de semer la. On n'est pas des hooligans comme au football, on vient, on casse tout. Regardez, ça, c'est vraiment la tarbiya de ces gens-là. Ils sont éduqués par ce genre de prédicateurs à ce genre d'attitude. Même si vous ne les voyez pas parler de cela en public, quand ils sont entrés en privé ou les enseignements qu'ils leur donnent, ça amène à ce genre de comportement. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit que les âmes se retrouvent entre elles. C'est-à-dire que les gens d'une même éthique et d'une même. C'est-à-dire que, vous voyez, Manjalas Janas, Aladin Khalili, Falenzur Ahadukum Manu Khalil, que l'homme est sur la religion de son ami. Donc ces gens-là, leur comportement, ils savent qu'ils sont leurs références religieuses. Ça va ensemble. Sinon, ils ne les écouteraient pas. Vous voyez? Vous ne verrez pas des gens qui font du takfir des hukam nous écouter. Jamais. Ces gens-là nous détestent. Et mais ces gens-là aiment des gens comme Abdel Hay. Demandez-vous pourquoi. Allez voir le compte des suiveurs de ceux qui le défendent. Regardez leurs commentaires, regardez leurs références, vous allez voir à qui vous avez affaire. Et voilà, celui qui a un minimum de ma'alifa de la da'wa salafia, il n'a pas besoin de plus. On regarde qui tu fréquentes, on sait qui tu es. On regarde qui est-ce qui t'aime, on sait qui tu es. Tout de suite. Ça nous suffit. Sans avoir besoin d'aller chercher dans les doulous, écouter à telle minute il a dit telle chose, c'est pas la peine ça. On a déjà un gros aperçu de qui vous êtes. Après, s'il y a besoin de faire un rod ilmi précis, c'est autre chose. Mais déjà avoir une idée de la personne à qui on a affaire, on va voir. Tu peux vite griller c'est qui un soufi, tu peux vite griller c'est qui un ikhwani, vite griller c'est qui un takfiri, khaliji. Tu vas le voir facilement, ça. Ça va se voir. Ne vous inquiétez pas. Et ces gens-là, regardez. Regardez. Pas besoin de plus, wallah. Comme encore le ta'ala, au cas d'aller que nous fassions l'ayat, l'itastabine, sabil et mujrimine. De cette façon que nous clarifions les versets afin que vous apparaissent la voie des criminels. Voilà. Et croyez-moi que bien des gens ont tenté de faire obstacle à la da'wa depuis des années, et c'est pas ces gens-là qui vont y arriver, biznillah ta'ala. Allah. Les maftouns d'avant de la fitna al-adani, ils ont fait pareil, on faisait des doulous, ils apparaissaient pour faire le tachouich, en écrivant aux auditeurs, en privé. Les houssi, bilhamdillah ta'ala, n'ont pas réussi à faire stopper la da'wa. Les koufars n'ont pas réussi à faire stopper la da'wa. C'est pas eux qui vont arriver aujourd'hui à faire stopper la da'wa. La chose qu'on a à craindre, ce sont nos péchés et nos manquements. Pas de ces gens-là. Voilà, on a déjà affronté des gens bien plus dangereux que ces gens-là, et ils n'ont pas stoppé. C'est pas eux qui vont arriver aujourd'hui. C'est quelques jours, ils vont arriver, ils font leur révolte, ils font leur chamaillerie, et après ils vont disparaître, comme tous les autres. Biznillah ta'ala. Ahamshi, nahnu nastamir ala nahnu alayhi. On continue ce qu'on est. D'accord? On fait les doigts qu'Allah nous accorde la sabbat, parce que beaucoup ils ont changé. Et la basira, l'ikhlas, surtout l'ikhlas. Qu'on reste sincère. Et s'il y a des erreurs, on corrige, il n'y a pas de problème. Demain, il voit des erreurs dans mes doulous, il me le dit, je corrige. Des vraies erreurs, je parle. Marhaban bi, je demande que ça. Demain, à tel endroit, tel audio, telle erreur, barakallahu fik, je corrige. Vous avez toujours vu dans mes doulous, dès que j'ai fait une erreur, j'ai toujours clarifié sur ma chaîne, attention, à tel endroit, je me suis trompé. Attention, à tel endroit, je me suis trompé. Il n'y a pas de problème. On ne demande que ça, pour corriger, pour pas que les doulous restent avec des erreurs, que les gens les écoutent, et ça les a dû en erreur. On ne demande que ça. Mais c'est pas la peine d'insulter, d'humilier, de rabaisser, de faire le tarkir. On l'a appris dans le hadith hier. Qui suffit comme mal à la personne qu'il est du mépris envers son frère musulman. comme ça. Ça, c'est le comportement des gens des, qu'ils ont gardé le comportement des gens des cités à l'ancienne. Ils ont pas évolué, ces gens-là. Et après, vous parlez de ilm, je ne sais quoi. Voilà, farah, farah. Haoula farah, comme on dit en arabe, c'est le pluriel de farir, c'est comme des vauriens, des gens qui, ils ont rien à faire de leur vie. Rien à faire. Sallallahu yahdina wa iyyahum. On yakfina sharrahum. Taïb. Donc, on poursuit. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 93 93 حديث عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit que aucun d'entre vous ne juge entre deux personnes alors qu'il est en colère. متفقون عليه. Donc ça c'est un hadith qui est très important. Qui vient nous indiquer qu'est-ce qu'il y a à éviter pour rester juste. Comme encore le Ta'ala. Ou Adilo. Ou un Ta'adilo akrab le Taqwa. Et dans différents versets où Allah nous incite à rester juste. Et cette le fait de rester juste, ça demande des causes. Rester équitable, ça demande des causes. Et parmi ces causes, مثلاً, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, d'avoir l'esprit libre. Quand deux personnes viennent à toi pour demander un jugement que tu es en mesure d'établir, d'accord ? Car cela est valable pour le juge shadri, le juge qui était décrété par le gouverneur comme étant un juge shadri, ou un shaykh vers qui les gens vont afin qu'ils puissent régler leurs différends, ou alors un frère en qui ils ont confiance, vers qui ils reviennent, afin qu'ils puissent juger d'entre eux, comme deux frères divers, une mas'ala, et ils savent pas qui a raison, ils vont voir un frère, ou un couple, ils ont un problème, d'accord, et ils veulent voir quelqu'un qu'ils considèrent comme étant de confiance, qui puisse émettre un verdict, pour savoir des deux qui a raison, ainsi de suite, bien que avant qu'on émette de verdict ou quoi, comme vous le savez, on avait pris dans les hadiths précédentes qu'on commence par un sulh, comme encore le Ta'ala, wa sulhu khayr. Donc la conciliation, c'est ce qu'il y a de meilleur. D'abord, on tente de concilier entre les gens, quitte à ce que certains se désistent de leurs droits. C'est la meilleure chose à faire en premier lieu. Et si jamais ça n'aboutit pas, alors là, en ce moment, on émet un verdict. On dit un tel a tort, un tel a raison. Un tel doit faire ceci, un tel doit faire cela. Wa kada. Donc il dit l'auteur, donc cela peu importe qu'il s'agisse des affaires qui soient liées à la religion ou mondaines, lorsqu'il y a un divergent entre deux personnes. D'accord ? Que ce soit lié au commerce, ou que ce soit lié à une chose religieuse. C'est-à-dire que dès qu'il y a un changement dans l'esprit de la personne, car la colère, c'est une chose qui amène à perturber ta réflexion. Et cette perturbation, elle t'emmène à une défaillance au niveau de cette réflexion, donc tu vas mal réfléchir, et tu vas mal assimiler les choses, tu vas mal concevoir, et le résultat ne sera pas favorable, ne sera pas positif. وَيَدُرُّ أَيْضًا فِي قَصْدِهِ الْحَقِّ وَالْغَرَضَ الْأَصْلِ لِلْحَاكِمِ وَغَيْلِهِ قَصْدُ الْحَقِّ. Donc cela va nuire à l'objectif que cherche à atteindre ce juge, qu'on dit juge, c'est un mot général, cette personne qui veut émettre un verdict, car lui, qu'est-ce qu'il veut de base, c'est atteindre la vérité. C'est ça la base pour lui, d'atteindre la vérité. Et cette colère va l'empêcher d'y parvenir. Donc de ce hadith, on déduit que la colère n'est qu'un exemple, mais tout ce qui amène à perturber un hakim de pouvoir émettre un verdict, tout cela est à éviter. Comme par exemple, la faim, il a faim. Au moment où il a faim, on ne vient pas lui demander quelque chose. On le laisse se rassasier. Parce que quand tu vas lui poser des questions, lui parler, il va penser qu'il y a une chose à manger. Donc il va vouloir peut-être se débarrasser de toi ou que tu ailles vite, ce qui l'empêchera de bien réfléchir et d'être devenir équitable. Les soucis Car le hakim ou la personne que tu vas voir, c'est un être humain comme toi, il peut avoir des problèmes familiaux, peut-être des problèmes plus grands que les tiens. Vous voulez qu'il vienne juger entre vous deux pour telle et telle chose, et lui, ça se trouve, il a des problèmes bien plus graves que les vôtres, qui lui occupent l'esprit. Avec sa famille, avec ses enfants, avec ses proches, ou avec son travail, ou ainsi de suite. Ou même, par exemple, la peur. Ou même voir la grande joie. Vous savez que, dans ce hadith, où cet homme a dit une parole de kufr, à cause de la grande joie qu'il a ressentie lorsqu'il a retrouvé sa monture dans le désert. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Oh Allah, tu es mon serviteur, je suis ton seigneur. Akhta'a min shiddat al-farah. Il s'est trompé tant il était content. Donc c'est pareil pour un juge, il peut avoir reçu une bonne nouvelle avant qu'il n'émette ce verdict qui lui perturbe l'esprit au point qu'il devienne, qu'il mettra, lui ne veut pas être injuste. Mais cela va l'empêcher de réfléchir correctement tant il sera heureux et il ne mettra pas le verdict qui sera correct. Ou la colère, comme dans le hadith, la colère. Et on a dit la peur, et ainsi de suite. Tout ce qui vient perturber l'esprit et qui l'empêche de réfléchir, ces choses-là doivent être évitées avant qu'un juge ou telle et telle personne ne vienne à juger. Donc si on vient vous voir, vous, par exemple, quelqu'un vous fait confiance, sur le masala qui est de votre niveau, afin que vous puissiez trancher entre les deux, et que vous êtes dans une situation qui vous empêche de réfléchir, dites « Aujourd'hui, je ne peux pas. » À tel moment, je ne peux pas, venez à tel moment, et toi, tu te prépares à ce moment-là afin de pouvoir écouter, d'avoir l'esprit serein, l'esprit clair, et d'écouter pour pouvoir arriver justement à un résultat correct. Et si tu vois que la masala est au-dessus de tes capacités, alors tu leur dis, allez voir un shaykh, ou allez voir tel frère, ou ainsi de suite. Mais ne pas se précipiter à répondre. Car des fois, il y a des questions qu'on nous pose, elles sont extrêmement pointilleuses. Il m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui viennent me voir, qui m'expliquent leur problème de couple. Déjà, il y en a. Soit c'est le frère qui vient me parler, il me dit, il m'arrive ça avec ma femme. Ou sont des fois des sœurs qui envoient des mails, il m'arrive ça avec son mari. Jamais, mais jamais, au grand jamais, sauf si on a affaire vraiment à cause de Ridda ou de fisc Akbar ou quoi, on va dire à quelqu'un divorce. Voilà, ça c'est ma souligne, elle est arzi, m'a dit de dire à quelqu'un de divorcer. Même si parfois on se dit, moi, à sa place, j'aurais divorcé, par exemple. Ou ainsi de suite. Mais on va dire à quelqu'un, divorce. Maintenant, s'il vient avec une masse, ah là, on voit que clairement, le divorce est obligatoire, comme par exemple, il me dit, ma femme, elle fait plus la salade, tu fais une nasiha, elle veut pas la refaire. On dit, ah là, à ce moment-là, il n'y a pas à discuter. Ou la sœur a dit, mon mari, il fait telle et telle chose parmi des avaim, d'accord, il fait plus la salade ou je ne sais quoi. À ce moment-là, on dit, là, même, il est obligatoire que tu te sépares de lui. À ce moment-là. Surtout que nous sommes d'avis que, tark as-salah, kufrun akbar. Que le fait de délaisser la salade, cela est de kufr akbar, donc celui qui ne fait plus la salade, on va dire, non, toi, à ce moment-là, tu ne restes plus avec lui. Ça. Maintenant, quand c'est d'autres choses qui sont liées au caractère, à certains péchés, des divergences ou autres, ça, wallah, c'est très très très dur. Donc, il y a même des ulama, on venait les voir pour leur demander ce genre de questions, ils disaient, allez voir le juge. Izabou al-Qadin. Allez voir le juge. Même le alim ne veut pas prendre la mas'oulia. Il va dire, allez voir un juge. Car le juge, c'est son travail. Je parle d'un juge, musulman, voyez, qui est désigné par l'État, assermenté par l'État. C'est ça son rôle, il est payé pour ça. Les gens vont le voir, il est là, strict, impartial, il écoute et il donne tort à un tel ou raison à un tel ou ainsi de suite et après le jugement il est établi. Qu'il ait tort ou raison, le jugement sera établi. Il n'y aura plus à discuter après ça. Cependant, ce juge ou cette personne qui va jouer ce rôle doit être en situation de pouvoir assumer ce qui va en suivre. Donc avoir l'esprit serein, l'esprit clair. Ensuite, il dit Afwan, je cherche le paragraphe. Fain al-Hakim muhtajun ila hadhi al-umur al-thalatha. Il dit que le Hakim, celui qui va faire ce jugement, a besoin de trois choses. Trois points qu'il doit réunir. Awalan al-ilm bit-tuluq al-shar'iyya allati wada'aha shari' li fasl al-khusumat wal-hukm bayn an-nas. Il doit avoir la connaissance des voies légiférées qui ont été établis par la religion afin de pouvoir justement émettre les jugements entre les gens. C'est pas aller à vendre des règles ou c'est pas aller prendre des lois qui ne sont pas des lois de l'islam. ou autre, ou selon ses impressions et ses sentiments. Non, il doit connaître les choses religieuses qui amènent à un jugement valide. الثاني أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة. Deuxièmement, qu'il doit bien comprendre c'est quoi le problème du litige, la base du litige qui est entre les deux opposants. Il faut qu'il ait compris, qu'il ait écouté de chacun de façon détaillée. Un, il a dit telle chose, il a dit ce qu'il avait à dire. Le deuxième, ou s'ils sont trois ou quatre, peu importe, hein, il écoute bien ce qu'ils ont à dire. Et de là, il faut qu'il ait, lui, le fiqh et la basira de pouvoir savoir, en fait, c'est quoi le problème. Parce que des fois, tu as des gens, tu les vois diverger sur des points, et ils pensent que leur divergence vient de telle et telle chose, et le hakim dit non, votre problème, c'est, j'ai pas d'avoir votre problème. Votre problème, il vient de telle et telle chose. Juste, ces choses-là que vous voyez, vous, sont que des symptômes du mal, mais le mal, il vient de plus profond. Il vient de telle et telle chose, c'est ça qu'il faut régler. Donc lui, quand il écoute, il doit avoir cette capacité à pouvoir déceler la cause du problème réel, si les gens, eux, ne sont pas rendus compte. Et la troisième chose qu'il doit avoir, c'est qu'il doit savoir comment adapter cette cause dans les règles religieuses. C'est-à-dire, des fois, il t'arrive un divergent entre les personnes, mais tu n'arrives pas à comprendre dans quel domaine du ilm ça rentre. D'accord ? Il faut que tu arrives à trouver la liaison qu'il y a entre ce problème-là et l'adilla. Parce que tu peux reconnaître l'adilla, mais tu vois pas que ça convient avec cette question-là. Donc le hakim, lui, il arrive justement à savoir leur problème-là, et en dans telle mas'ala. Et telle mas'ala, son adil, c'est telle et telle chose. Et ainsi de suite. Et il dit l'auteur qu'il doit réunir ces trois caractéristiques. S'il y en a une qui lui manque, il va émettre un jugement qui sera incorrect. Akid. Et même si on dit que Allah le wafak pour avoir un jugement correct, eh ben il aura fait dans l'erreur, qu'il aura fait sans réunir les bons éléments. C'est comme des fois, t'as des gens, on leur pose une question sur une fatwa. Ils ont pas de ilm, mais tu vois, ils ont répondu juste de leur tête. Et ben malgré tout, ils ont péché d'avoir parlé sans science. Même si la réponse qu'ils ont donnée au final, elle était bonne, ils ont parlé sans ilm, et à ce moment-là, ils auront le péché. Et ben lui, c'est pareil, le hakim, si jamais il réunit pas les conditions qu'il faut, même s'il a donné un jugement correct, comme ça, parce que regardez, les koufars, des fois, ils émettent des jugements, ils sont corrects. Mais est-ce qu'ils prennent l'adilla du Coran de la Sunna? Non. Ils se basent sur leur intelligence, ou ils se basent sur certaines choses, et des fois, ils vont émettre un jugement, il est juste. Mais le hakim, là, on parle de celui qui est vraiment assermenté ou quoi, ou qui veut se permettre de pouvoir juger entre deux personnes, il faut qu'il réunisse ces choses-là, au niveau de la mas'ala dans laquelle il est interrogé. Donc, ce qu'il faut retenir du hadith, c'est que toute chose qui vient perturber ton esprit pour émettre un verdict, ne te précipite pas à répondre, des fois laisse le temps de te calmer si t'es en colère, de te rassasier si jamais tu as faim, même t'as envie d'aller aux toilettes, ce genre de choses, ou de te, si jamais tu as eu des soucis, de les régler, ou de savoir dissiper cela de ton esprit, et ainsi de suite. Pour que tu sois neutre. Faut que tu sois neutre. D'accord? Et apte à réfléchir. Naam. Hada wal awwal. Thumma yaqul fil hadith arabi' wa tis'in. 34e hadith. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق من غير صرف أو صرف ولا بخيلة أو مخيلة بيتو نعم رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري donc le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit mange bois vêtis-toi, fais aumône, tout cela sans gaspillage ni avarice. Et le hadith, en réalité, a été trouvé chez Abu Daoud. Et Alaqa al-Bukhari, c'est-à-dire que le Bukhari l'a cité sans mettre le sanad dans son livre. Et ce n'est pas tout ce que le Bukhari met en ta'liq qui est forcément authentique. Ça ne rentre pas dans les hadiths qu'il met dans ses conditions à lui. Ça, c'est autre chose. Et en réalité, ce hadith, de base, il est en conformité avec le verset où Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَّامًا. Ceux qui, lorsque dépensent, ni ne gaspillent, ni ne sont avares, mais qui sont dans le juste milieu. Donc ce verset-là est en concordance avec ce hadith. Car c'est quoi la base ? Al-ibaha fil umur ad-dunyawiyya. La base dans les choses mondaines, c'est la permission. Donc toi, il t'est permis avec ton argent de manger, de boire, de t'habiller, de faire aumône, mais tout cela dans la mesure du raisonnable. Dans la mesure du raisonnable. Les gens qui ont un droit, tu leur rends leur droit. Tu es un homme, ta femme, elle a son droit. Tes enfants, ils ont leur droit. Tes proches parents, ils ont leur droit. Et ainsi de suite. D'accord ? À tel point qu'on avait pris dans le hadith de Hind, la dernière fois, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Khuzim yakfiki olibanik bil ma'ruf » Il a dit à Hind « Prends de l'argent de Abu Sofyan, de ce qui te suffit à toi, ainsi qu'à tes fils, d'accord ? De façon raisonnable, c'est-à-dire qu'elle prend que ce dont elle a besoin. Si jamais l'époux ne dépense pas assez, mais qu'il a les moyens, mais c'est lui qui n'est pas assez responsable ou qui n'est pas assez engagé ou quoi, alors il est permis à l'épouse d'aller prendre son droit à elle et pour ses enfants. Mais de base, celui qui applique ce hadith et ainsi que le verset, il va dépenser de façon correcte. Min ghayri sarf wala makhila, sans gaspillage et sans avarice, le juste milieu. Le juste milieu. Dans toute chose. Le problème, c'est que nous, on a un problème de surconsommation. Dans les pays comme la France, avec tout ce qu'il y a devant nous, d'accord ? Les pays comme la France, ou les pays occidentaux, ou les pays développés, comme ils les appellent, ou dans les pays où, voilà, on s'est mis des idées en tête qui font qu'on dépense plus que ce qu'il ne faut dans certaines choses, et on ne dépense pas assez dans beaucoup de choses. Et ça, le problème. Surtout, lorsque les gens reviennent à la vie des Sahaba, comment ils vivaient, on se rend compte que nous, on vit dans un luxe exagéré. Des fois, des gens se plaignent de leur situation, on dit « Wallah, si tu savais comment vivaient les Sahaba, tu verrais qu'en fait, t'es un Tamis el-Malik. T'es comme un roi aujourd'hui, en cette époque. » Les Sahaba, parfois, il y en avait certains, ils n'avaient qu'un seul izar pour s'habiller. Comme cet homme qui a voulu se marier avec une femme qui s'est proposé au Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait rien pour l'épouser. Walou khatem hadid, même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit, même pas une bague en fer, tu aurais en dot, il a dit non, j'ai que mon izar. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit, mais ton izar, ça ne servira à rien si tu lui passes. Si tu le passes à elle, tu n'auras rien pour te mettre pour toi. Si en même temps tu le mets sur toi, elle n'aura pas son izar. Voyez, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait dit aux femmes de partir vite de la salade derrière les hommes, ou d'attendre que les hommes soient bien, plutôt en armes, qui se relèvent du soujoud dans lequel elles-mêmes se relèvent, afin de ne pas voir leur aura, parce qu'ils avaient des vêtements, des fois qu'ils accrochaient à leur cou, vers leurs genoux, comme les enfants. Tant ils n'avaient pas de vêtements. Ce qui faisait qu'une personne derrière pouvait voir leur aura. Et beaucoup de sahaba étaient dans cette situation-là. Et aujourd'hui, on voit, chez quelqu'un, il a minimum, les sœurs ont minimum 3 ou 4 djilbeb, en général. Au minimum. Vous voyez, les frères ont plusieurs kamis, pour ceux qui portent le kamis. Et ceux qui ne portent pas, ils ont d'autres vêtements. Ils ont d'autres pantalons, ils ont des survêtements, ils en ont plusieurs. Les chaussures, les baskets, ils en ont plein. Faut pas se mentir. Les enfants, ils ont machallah des vêtements pour chaque saison, chaque situation. Ils ont le vêtement pour la pluie, ils ont le vêtement pour aller au parc, ils ont le vêtement pour dormir. Ils ont, machallah. Voyez? Celui qui a les moyens, affiché. Mais t'as des gens, ils s'imposent un mode de vie qui n'est pas dans leurs moyens. Et s'ils ne rentrent pas dans le moule, ils ne sentent pas bien. On dit, Adam, Mayelzem, tu vis en fonction de tes moyens. Donc tu manges en fonction de tes moyens. Et fais plaisir à ta famille en fonction de tes moyens. Tu t'habilles en fonction de tes moyens. Et kazalik les aumônes, tu fais aumône en fonction de tes moyens. Mais regardez maintenant quand il faut agir dans les choses concrètes avec l'argent. Il y a des gens qui sont très généreux quand il y a un problème chez un frère ou une sœur, ils font des cagnottes, de la plaie ils donnent, mashallah. D'accord ? Mais quand il y a des choses à faire, des fois on leur dit, va faire le hajj, ouais c'est cher. Et akhi, le hajj tu l'as pas fait, t'as des moyens, c'est cher, fais-le quand même. Et akhi, fais une umrah, ouais mais c'est cher. On dit, t'as des moyens, tu l'as jamais faite, va la faire. Et même si tu l'as pas déjà faite, et que tu es en mesure de la faire, justement la umrah, lorsqu'elle est suivie du hajj et ainsi de suite, celle-là c'est parmi les choses qui empêchent le faqr. Le hadith on l'a pris. Voyager pour talab al-ibn. Et voir même le point qu'on cite souvent, la hijra. il faut que j'ai tant et tant et tant et tant. Nous, on dit, ce que t'as là, ça suffit pour partir. Non, il lui faut le pactole pour partir. Donc, des fois, il y a des choses, l'argent, il est là, mais les gens ne veulent pas le mettre. Et ils vont le mettre dans d'autres choses qui sont, elles, secondaires, tertiaires ou... Voilà, quoi. Donc, c'est l'islam t'appelle à la dépense dans le juste milieu. Et ce qui est « awla an yunfaq fihi yani bil kathra » ou « ad-din ». La chose qui est prioritaire d'avoir droit à la dépense en plus, c'est la religion, en réalité. Car c'est ça qui te rapporte à Yom al-Qiyam. Ces choses-là que tu auras investi pour la religion, tu la trouveras Yom al-Qiyam. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Ceux qui ont cru et qui ont émigré et qui ont lutté selon le sens d'Allah par leurs biens et par leur personne, par leurs biens. فكل ذلك يدخل في هذا الحديث. Et كذلك, même ce que tu mets en religion comme bien, mets-le sans que cela ne cause de préjudice aux gens qui ont un droit sur toi. Par exemple, l'autre jour, on a donné l'exemple d'une personne qui aurait une dette envers un frère. Il a l'argent, au lieu de payer la dette, il fait des aumônes. On dit, là, ahi, ma wakaza. D'abord, tu payes ta dette. Ada aujab alik. Tu vois. Et c'est aksar ajran. Tu auras plus de ajr à rendre ta dette qu'aller faire plein d'aumônes à plein de gens. Et en réalité, t'as un frère là, il t'a prêté de l'argent. Il se trouve, lui, maintenant, il est en situation difficile. Il veut son argent. Et toi, tu fais des aumônes à droite à gauche. On dit, non, là, c'est pas le moment de faire des aumônes. Là, maintenant, tu rends l'argent. Tu rends l'argent au frère. Ou à la sœur, et ainsi de suite. Et également, dans le fait d'honorer l'invité. Et notre cher Abdelhamid, une fois, avait fait une bonne faïda, car des fois, les gens reprochent ceux qui en font trop pour les invités. Ils font trop à manger, ainsi de suite. C'est vrai que des gens, des fois, il faut à manger. C'est... Vous venez, vous êtes 3, 4, il y a à manger pour 15. C'est vrai. Mais il a dit quoi dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam? Parce que les deux anges sont venus pour l'histoire de l'hôte. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ حَنِيذٍ qu'il n'est pas resté sans qu'il n'ait apporté un veau rôti, un veau entier pour deux invités. Vous voyez ? Pour deux invités. C'est énorme pour deux personnes. Tu verras jamais deux hommes manger un veau entier. Et bien pourtant, il a voulu les honorer. Il a été dit que Ibrahim, c'est lui qui a instauré la sunna justement de Ikram al-Zaif. Le fait d'honorer l'invité, ça vient d'Ibrahim. Et les gens les plus connus pour cette caractéristique, cette vertu, sont les Arabes. Sans contestation. Vous le savez, vous allez aller au Maroc, chez des gens, vous allez voir comment l'hospitalité, elle est indiscutable. D'accord ? Vous allez dans d'autres pays arabes, on en a parlé déjà dans d'autres douloureux, tu vas en Arabie Saoudite, quand les gens t'invitent chez eux, ils invitent et, mashallah, au Yémen, pareil, même quand ils sont pauvres, ils ont leur habitude de dire, tafadhal, viens manger chez moi. Même si t'offres peu de choses, il va te dire, viens manger chez moi. Quand il mange, tu passes devant lui, il me dit, viens manger avec moi. Ça, c'est des choses ici, dans des pays comme la France, jamais on nous apprend ça. On nous apprend à être des boukhala, à être des radins, des avares. On n'aime pas partager. On mange dans notre assiette tout seul, notre fourchette tout seul, alors que la sunna, c'est de manger regroupé autour d'un plat. Et c'est là qu'il y a la baraka. Vous voyez, comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, At-ta'am l'isnain yakfi li salasa. Ou At-ta'am li salasa yakfi li arba. Ainsi de suite. Une nourriture qui est pour deux personnes, elle suffira pour trois. Ce qui est pour trois suffira pour quatre. Ainsi de suite. Et la baraka, même si le plat, tu vois, il est petit, que vous mangez selon la sunna, vous allez voir que vous allez être rassasié. Et des fois, une personne, elle mange toute seule, elle mange là les plats, elle n'est pas rassasiée. Et il y a un hadith qui est venu, qu'il y avait un homme qui était venu manger avec, je crois que c'était Ibn Omar. Et ils l'ont porté à manger, il a mangé. Il avait encore faim. Le porte à manger, il a mangé. Et ainsi de suite. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ya'kul le kafir fi sabati am'a » que le kafir mange dans sept intestins. Et après, cet homme s'est converti. Il a remangé, il a mangé très peu. Et là, il a dit, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, que le mu'min ne mange que dans un seul intestin. Donc de base, le croyant, il mange moins que le kafir. Le kuffar, il ne s'arrête pas. Et bien, il ne faut pas qu'on le ressemble dans ce genre de situation. Il y a des frères qui font des concours, celui qui mange le plus gros sandwich, celui qui mange le plus de trucs. On dit ça, c'est pas un adab islami, ça. Se rassasier, c'est permis. D'accord ? Mais cela va contredire ce hadith qu'on vient de prendre. Min reli saraf, voilà, makhila. Sans gaspillage et sans avarice. T'es rassasié, t'as mangé, pourquoi tu rajoutes ? pour dire je mange plus qu'un tel. C'est quoi l'avantage, c'est quoi le privilège, c'est quoi la vertu de manger plus qu'un tel? Trop manger, ça tue le cœur. Trop manger, ça tue le cœur. Ça rend le cœur dur. Et ça fait dormir beaucoup. Et après, les gens, pour le fajol, ils ont du mal. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, tout cette religion nous enseigne justement à une bonne hygiène de vie. Sans pour autant que l'on se prive. Et kullu shay, biqadar al-istita'a. Taïeb, biqadar al-istita'a. En mesure des moyens. Taïeb. Fa'adha al-lazi yaqadna al-yum min hadin hadithayn. Et on va s'arrêter là, biznillah ta'ala. Et demain soir, ça sera le hadith de les Arba'in Nawawiyya. Inch'Allah. Fanaktafi bi hadha al-qadr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.